Prononciation, exercice 29. Opposition en 1. Écoutez. Les journaux intimes envahissent l'Internet. Distinguez les sons en 1. Le journal intime est maintenant public. Le plus important, c'est ce qu'en pensent certains internautes. L'intime ici a un besoin constant de témoins. Le moment intéressant, c'est quand l'un invite l'autre.